Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi, c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle preview. Évidemment, je suis avec Vincent aujourd'hui. Salut Vincent, comment ça va? Salut Gus, ça va tranquillement. On va parler d'un de mes joueurs préférés aujourd'hui, donc ça va. Ouais, mais un de tes joueurs préférés qui n'a pas été en playoff l'année dernière. Et oui, on va parler des Mavericks de Dallas. Luka Doncic et Kyrie Irving qui, l'année dernière, ont totalement, comment dirais-je, déjoué par rapport aux attentes qui étaient placées en eux. On avait hâte de voir l'association Kyrie-Luka Doncic. Ça a été assez compliqué en termes de résultats parce que dans le jeu, pour le coup, c'était séduisant offensivement comme on l'attendait. Mais en fait, ça n'enchaîne pas les wins. Et du coup, bah, les Dallas Mavericks qui ont tranquillement terminé à la, si je ne dis pas de bêtises, 11e place de la conférence Ouest, synonyme de non-playoff. Un peu la place du con au final, parce que tu vas même pas en play-in. Ouais. Je trouve que c'est une saison ratée de plus, parce que cet effectif-là n'est pas le 11e effectif de la conférence Ouest sur le papier. Et en fait, ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de blessures. On a Kyrie qui n'a pas fait une saison pleine, mais ça, on a l'habitude. Et en fait, Luka n'a pas été capable de gagner tout seul. On a eu des vraies limites au coaching avec Jason Kidd, qui n'a pas su s'adapter, trouver des solutions. Pourtant, tu as quand même gardé ton identité d'équipe, l'une des équipes les plus lentes en termes de pace, donc en termes de nombre de possessions par match. C'est très lent. Ça joue beaucoup de mi-terrain parce que bah, t'as Luka Doncic, en fait, donc faut l'utiliser comme il faut. Et je pense que Kyrie, le fit, peut-être ne passe pas assez à ce niveau-là, même s'il est capable de faire beaucoup de différence à lui tout seul. Je pense qu'un jeu plus rapide serait peut-être un peu mieux pour Kyrie. Et malgré tout, bah, ça n'a pas été le cas. Pas d'ajustement côté de Jason Kidd. Donc, bizarrement, on pensait qu'il allait sauter, mais il est encore là. Et ça, je pense que c'est un problème. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un échec, hein, la saison des Mavs, clairement, l'année dernière. C'est pas normal qu'une équipe comme ça, avec des joueurs comme ça, n'aille pas en play-off. Ah, de ouf. Mais l'année dernière, les Dallas, c'était un scandale. On a Luka Doncic qui est... Alors, il est si fort qu'il est, hein. Il peut être aussi agaçant, et en fait, le truc, c'est que pour moi, alors Jason Kidd, c'est un problème, Luka Doncic en a un autre. Ouais. Parce que oui, il est fort, oui, il fait gagner des matchs tout seul, oui, il va faire des trucs de ouf, il va faire des actions spectaculaires. Mais par contre, le souci, c'est qu'il y a trop de fois où en fait, il ne joue pas au basket, il parle aux arbitres. Et ça, en fait, du coup, il sort de ses matchs tout seul, juste à cause de ça. Il y a plein de matchs où... Il y a des fautes qui sont pas sifflées, machin, bah forcément, il est attendu partout, il se fait marbrer, il prend des coups, c'est normal, les équipes adverses, c'est ce qu'elles demandent. Et au final, du coup, Luka Doncic, en fait, il sort de ses matchs parce qu'il gueule, parce qu'il crie, machin. Et en fait, Luka Doncic, pour l'instant, c'est pas LeBron, c'est pas Kevin Durant, c'est pas James Harden, et les arbitres lui donneront pas tout. Donc, tant qu'il sera pas à se concentrer sur le basket, mais à se concentrer sur la côté, bah pour moi, les Mavs, ça peut pas forcément faire grand-chose. Parce que c'est lui qui va être déterminant. C'est très bien résumé. Les ajustements qui ont été faits cet été, qu'est-ce qu'on a eu, Vincent? Alors, on a eu le retour de Seth Curry. Ça, c'est plutôt correct. Hein. C'est plutôt correct. C'est ce qu'il amène. Et on sait ce qu'il amène. Et je pense que du coup, justement, pour le coup, ça va peut-être permettre de faire un petit peu moins jouer Luka Doncic. Sur des moments où il pète des plombs, vas-y, bah, viens t'asseoir sur le banc, t'inquiète pas, on a Kyrie et cette... Prends 5 minutes de repos. Voilà. On a aussi l'arrivée de Dante Exum, pareil, sur un des postes de guard, donc c'est pareil, potentiellement en rotation de Luka Doncic. On a aussi également l'arrivée de Derrick Jones, junior, avec la free agency. Je suis un peu mitigé, il va apporter, il a des qualités, il va apporter un peu de défense, il va apporter un peu de qualité athlétique. Ouais, clairement. Chose qui manque un peu à Dallas, parce que quand on voit les Maxi Kleber et tout, c'est pas très athlétique. Ah bah, ça c'est certain. Donc il va apporter un petit peu de verticalité. Ouais. Et après, ils ont récupéré aussi Rickon Holmes. Pour moi, ça, c'est une bonne pioche. Clairement. parce que justement, c'est un poste 5 qui est capable de protéger le cercle, tout ça. Ça a manqué un poste 5, clairement, à Dallas. Le seul ça reste pas l'élite non plus, hein, mais, non, mais, mais, non, mais... au final, sur la rotation, c'est un plus, je suis d'accord. C'est un joueur qui peut apporter des minutes et qui peut jouer clairement. Et après, il y a aussi l'ajout de Grant Williams. Ça, c'est pareil, c'est un bon ajout pour moi. Alors, ouais. Est-ce qu'il va... faut qu'il retrouve aussi une place comme il avait au Celtics, tout ça. On sait des fois que c'est compliqué de changer d'équipe. Il y a des joueurs qui passent d'une équipe à l'autre et qui sont pas bons d'une équipe à l'autre. Après, un Grant Williams, poste 4 dans le corner, qui attend les drives de Loustic sur le back court et qui catch and shoot à 3 points, je vois pas comment ça pourrait mal se passer, et à part s'il perd son adresse. Et en plus, c'est un très bon défenseur. Ouais, donc oui, ça c'est sûr que pour moi, il n'y a pas trop de risques. Mais on en a des joueurs qui, en changeant d'équipe, ont été moins bons qu'ils l'étaient, parce que forcément, le changement d'équipe. Dans le même esprit, Davis Bertans, l'année dernière à Dallas, qui a fait une saison dégueulasse, et qui, à Atlanta, était hyper bien utilisé et hyper régulier. L'année de Davis Bertans, qui est parti cet été, très très compliqué pour notre cher Letton. Du coup, Davis Bertans, qui est parti de Dallas pour aller au Thunder. Au Thunder, comme on l'a dit sur la preview du Casey. On a aussi perdu Jabal Maki, du coup, comme on vient de dire, comme on a dit aussi pour la preview des Kings. Ils ont perdu aussi Christian Wood, qui est parti aux Lakers. Ouais. Ça, c'est pareil pour moi. C'est pas forcément une bonne chose, parce que Christian Wood, c'était un joueur qui amenait des choses. Mais pour moi, Non, parce que c'était pas le poste 5 qui correspondait, dans le sens ouais, effectivement. Où ils ne font pas. Il défend pas, et du coup, le mec, en fait, il y a assez de talent offensif pour, en plus de ça, rajouter un Christian Wood qui sert qu'à mettre des points, en fait, au poste 5. Ouais. Le basket, ok, faut attaquer, mais il faut aussi défendre si on veut gagner des championnats et gagner des matchs. Donc, pour moi, dans une équipe de Dallas, je préférerais limite un Rickon Holmes qui va plus défendre et qui va protéger le cercle. Tiens, Christian Woods qui va shooter à 3 points et qui va encaisser les paniers de l'autre côté. Ah, et en plus, Jason Kidd avait tenté une adaptation avec Wood en 4 et Powell en 5. Ça n'a jamais été. Ou Maxi Kleber d'ailleurs. Ouais. Ou Kleber. Mais ça n'a jamais été concluant en fait. Parce que tu te retrouves avec Christian Wood qui est vraiment un trou d'air en défense. Genre vraiment, c'est presque un Carmelo. Pour te faire une petite dédicace. Non, vraiment pas. Non, mais Carmelo n'avait pas terrible. Le même talent offensif. Ah oui, ça c'est pour sûr. Pour le coup, Carmelo prenait 2, mais mettait 3. Ou voilà, dans l'idée. Alors Carmelo, que Wood... Carmelo prenait 20, on mettait 35. Donc bon, t'étais quand même à plus 15 de différence. Alors que Wood, il en met 3 et il en prend 4. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, j'avoue. Donc voilà, et puis après, sinon, dans les mouvements encore, il y a... y a notre cher Frankie Ntilikina qui est parti à Charlotte. Dans le bourbier des Hornets. Dans le bourbier des Hornets, on verra ce que ça va donner ça. Rémi et Miguel nous en parleront dans leur preview. Et aussi Justin Holliday qui est parti aux Nuggets. Voilà à peu près. Et on a aussi Derek Lively en 12e choix de draft. C'est un top 15, donc ça reste intéressant en soi. Et c'est un poste 5, donc à voir comment il va être développé, à voir ce qu'il va pouvoir apporter. C'est sûr que c'est là où il y a des problèmes à Dallas, c'est sur les intérieurs, c'est sur les postes 5 là. Donc draft logique, j'ai envie de dire, à voir ce que ça peut donner. Eh bien ma foi, pas mal de mouvements quand même pour Dallas cet été. Ouais. Moi j'ai l'impression que t'as fait un step défensif. Offensivement tu t'es créé d'autres solutions avec du Curry et du Exum, et surtout t'as récupéré un homme de devoir en Derrick Jones Jr. Un gars qui est capable de défendre, qui n'a pas forcément hyper adroit, mais par contre quand il suffit de courir et d'amener comme tu l'as dit des qualités athlétiques etc, ça va être totalement le genre de joueur que tu peux envoyer en mission sur des gros attaquants adverses sur les postes 3-4. Donc pour le coup je pense qu'il y a un vrai step défensif. Mais ce qui me fait peur, c'est que en fait malgré que tu aies récupéré du Seth Curry, du Dante Exum, en fait ce soit mal utilisé de toute manière. Donc je te mets on the spot. Comment Enfin, quand penses-tu que Jason Kidd va se faire virer de Dallas? Tu penses qu'il fait la saison entière déjà? Moi, je pense qu'il va faire la saison entière. Parce que je pense que Dallas, ça va. C'est, comme tu l'as dit, c'est défensivement, ça va être mieux. Et je pense que le fait qu'ils défendent un peu, derrière, ça met en rythme en attaque. Et derrière, tu gagnes plus de matchs, en fait. Ouais. Je pense que Jason Kidd va quand même finir la saison. Après, avec combien de victoires? Est-ce que ça va être porte des play-in? Est-ce que ça va être play-in? Est-ce que ça va être top 3 de conférence Ouest? On ne sait pas. Mais je pense que si ça va en play-off directement, il gardera sa place. Par contre, je pense que si à la fin de la saison, il n'est pas en play-off, ça dégage. Moi, j'ai un autre avis. Je pense vraiment que Jason Kidd a fait son temps avec les Mavs. Jason Kidd, on le sait, ça a été un joueur hyper important dans la carrière de Giannis au début de son arrivée à Milwaukee. Il a récupéré cette équipe de Dallas qui avait besoin d'être développée. Je pense qu'il a plus ou moins échoué là-dedans. En fait, sa seule satisfaction, c'est d'avoir fait de Luka Doncic une superstar, qui était quasiment le cas. Mais là, en fait, il n'y a plus de conteste possible. À ce qui surtout aurait été le cas avec n'importe quel autre coach. Oui, ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Mais au final, à la tête de cette équipe, c'était quand même Jason Kidd. Et je pense qu'on est arrivé à la fin d'une étape où, en fait, il ne peut pas faire plus que ça. Et je pense que... à la trade deadline, il est déjà sorti. Ok. Donc, début février, là, il est... je pense qu'on n'aura plus Jason Kidd sur le banc des Mavs. Et presque, en fait, je le souhaite à Dallas, qu'ils arrivent en playoff avec une équipe et un nouveau coach qui a déjà pu se mettre un peu en route. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils pourront essayer de voir plus haut. Et que pour le moment, en fait, Jason Kidd reste le gros fardeau de cette équipe. Je pense que s'il y a une décision à prendre de la part de Mark Cuban, ça va être sur le poste de coach. Et il faut qu'il récupère quelqu'un d'autre de plus compétent. Je pense que le step-up de cet effectif, il est clair. Et s'ils veulent en faire quelque chose, il me faut un nouveau coach. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je souhaite à Dallas que ça se trouve, il y a un élément déclencheur et qu'en fait, il démarre super bien la saison. Et ça se trouve, Jason Kidd, il va trouver se faire porter un peu par ses joueurs et au final rester. Parce qu'au final, on veut pas non plus virer tous les coachs qui font de la merde. Mais dans l'idéal, je pense qu'il faut qu'il sorte et qu'il s'en aille. Voilà. Après, qui mettra la place, j'en sais rien. Ça s'entend. Oui, c'est ça. Après, faut trouver... Parce que si c'est pour le virer, mais trouver un moins bon coach, ça sert à rien. Ils vont pas prendre Doc Rivers, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc bon. C'est sûr. Voilà. Mais ça s'entend le fait que Jason Kidd puisse être coupé en février. Ah bah oui. Il ne faut pas enlever cette hypothèse, en effet. C'est clair, c'est clair. Position dans ton classement, où est-ce que tu mets Dallas? Eh ben moi, je le mets porte des playoffs. Enfin. À la plus basse place des play-offs, parce que je les vois sixième, je les vois derrière l'équipe. Ok. Ok, je vois. Parce que je pense qu'ils vont step up défensivement, que Luka Doncic va nous ressortir une saison de MVP, comme il a l'habitude de faire, et que si Kyrie joue plus de matchs, bah, je pense que ça va quand même gagner des matchs, parce que le talent offensif des mecs, ça va quand même faire gagner des matchs, et derrière, si défensivement, ça step up un peu, et ben ça gagnera un petit peu plus de matchs que ce qu'ils avaient gagné, et je pense que ça suffira pour aller chercher un spot en playoff. Ok, moi je les vois, donc dans mon scénario, comme je l'ai dit, Jason Kidd partait en février, avant février même, donc je pense que le début de saison va être compliqué pour Dallas, mais je les mets quand même en play-in à la 8ème place. Donc tu joues le premier tour du play-in, et en fait, dans mon idée, ils arrivent en play-in avec une deuxième partie de saison vraiment bonne, et en fait tu tombes en play-in et tu gagnes ton match facile et t'arrives en play-off et tu fais chier parce que t'es placé en 7ème place et en fait tu joues le deuxième et tu fous le bordel. Voilà. Ouais, comme Miami l'année dernière, très bien. Un peu ça, exactement. Donc dans l'idée, ouais, je vois ce scénario. Donc Dallas 8ème. Okay. Petite note d'intérêt. Moi, je vais quand même mettre un 8 Parce que Kyrie Irving déjà et Luka Doncic dans la même équipe offensivement, c'est incroyable à regarder. Donc juste ça en fait, juste pour ça je m'invite. Juste pour ce truc-là, vraiment voilà. Kyrie, je pense que c'est le joueur que je préfère regarder sur ses trop élégant, c'est trop idiot, c'est trop. Ah tout. Oui. C'est incroyable. Donc, le meilleur handle de l'histoire. Ouais, je pense pas loin. Donc non, ouais, moi je mets un 8 à Dallas. Eh bien, moi, je mettrais un 7 pour les mêmes raisons. Juste, je mets qu'un 7, entre guillemets, parce qu'il y a des équipes qui sont plus haut, qui, je trouve, ont un plus grand intérêt avec ce qui s'est passé cet été. Donc je mets qu'un 7, ce qui reste très bien. Même si, bah, avoir Luka et Kyrie jouer ensemble, c'est toujours une régalade d'un seul côté du terrain, évidemment. mais voilà, donc ce sera un 7. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et X @WakeUpNBA. On se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle preview. Vive le basket, vive la NBA. Ciao. Salut tout le monde.